Bonsoir à tous. Bon bah voilà, on va commencer notre atelier EduCpop, comme tous les vendredis à 18h. Donc nous c'est Debout Éducation Populaire et on est présent sur la place tous les vendredis de 18h à 20h, le samedi de 15h à 19h et le dimanche de 15h à 19h. Donc ce soir c'est atelier EduCpop sur la gestion des richesses et des biens communs. Je vais commencer par un résumé de ce qui a été dit les deux précédents ateliers. Donc, je vais commencer par le partage des richesses au service du peuple, énergie, nourriture, eau. Partager les communs au-delà des richesses premières, argent, logement, culture, éducation, santé, transport. La rue, les magasins, les produits échangés sont des biens communs. Les mots eux-mêmes, les connaissances échangées. Du coup, qu'est-ce qui n'est pas un bien commun et doit rester du côté de la propriété? Les corps, corps humains ou tout corps vivant, animaux, végétaux, à partir du moment où on est en rapport avec un autre corps que le sien, on ne peut en être propriétaire. On peut construire soi-même ses quartiers d'habitation. Sortir du système patron-salarié. Le système de l'actionnariat peut être repris par les salariés comme gestion des moyens de production en commun, que chaque salarié soit propriétaire d'une partie de son entreprise en plus de sa force de travail. Allez, n'hésitez pas à vous rapprocher, venez nous voir. Création du travail pour faire vivre un projet et pas pour gagner de l'argent. Deux options de création de travail dans la société idéale, soit un besoin commun auquel il faut répondre, soit la proposition de créer une nouvelle chose à partir d'une idée. Dans les deux cas, on crée des groupes de travail théoriques et pratiques avec les volontaires qui veulent travailler dessus, sans rapport hiérarchique les uns envers les autres. L'investissement sert à financer des projets. Ceux-là doivent viser un but commun. Ce qui est important, c'est le choix des projets, tout comme les orientations scientifiques. Tout projet global et local doit être décidé démocratiquement. Trouver un autre terme que travail, construire, produire. Bah justement, à propos du travail, parce que moi j'ai travaillé en usine à la chaîne, on faisait les 2-8 ou les 3-8. Ça, c'est vraiment l'exemple, le 2-8, 3-8, de l'homme au service de la machine et plus de la machine au service de l'homme, quoi. Donc le travail doit être au service de l'homme et pas le contraire, quoi, comme l'économie d'ailleurs, hein. Et donc voilà quoi, c'est un truc important quoi, il faudrait voilà, genre les 3-8, tous ces trucs-là quoi. Où l'homme est obligé de ne plus dormir, etc. etc. quoi, on s'aperçoit que c'est. Ou je sais pas, il y a plein de choses, hein, il y a plein de métiers comme ça. Donc voilà, il faudrait plus que le travail soit voilà, au service de l'homme et pas le contraire, quoi, pas l'homme au service du travail, quoi. Que l'homme ne soit pas au service de la machine au service de l'homme, et l'économie idem, quoi, voilà. C'était une remarque. Ok, merci. On commencerait par donner un capital de départ et laisser les personnes gérer ce qui leur est donné à long terme. Peut-être par tirage au sort, favoriser les échanges entre les territoires, pas de communauté fermée. Délimiter des lieux et penser sans le système de dons contre dons. Savoir qui sait faire quoi pour développer des espaces de collaboration et de transmission des pratiques, connaissances. Alors, je vais reprendre. Savoir qui sait faire quoi pour développer des espaces de collaboration et de transmission des pratiques et des connaissances locaux, locales, et ouverts avec des formations réciproques. Pour la santé, il faut aussi penser à une répartition équitable au niveau des territoires. Partage des savoirs au niveau de la santé et entraide pour l'accès aux soins et aux médicaments. Faire disparaître le concept d'intérêt, de profit et de brevet qui sont sous le joug de la propriété. Que tout reste public et accessible à toutes et tous. Partageable. Plutôt que de moins polluer, on repollue pour limiter les effets de la pollution. Laisser la nature se recycler elle-même en étant le plus discret possible. Voilà, donc ça c'est un des premiers points. Le deuxième point, socialiser ou étatiser le monde bancaire, rendre citoyen le pouvoir de création monétaire, supprimer les taxes commerciales et les impôts grâce à la Banque nationale. contrôle public des banques, simplification et gratuité des services, arrêt des services inutiles. Actuellement en multiplication dans une logique de capitalisation des risques, voire gestion des services par les citoyens eux-mêmes. Et le web, un savoir critique par rapport à la gestion de l'argent et connaître les modalités de prêt et d'investissement. Pas de marchandisation des matières premières. Nef en France, microcrédit en Inde. Donc ça, c'est des références. Pas de virtualisation de la monnaie, elle doit garder comme le langage sa fonction d'échange et non de profit. Des conseils se réuniraient pour décider de ce qu'il y a à financer, quitter le terme d'impôt pour celui de pot commun qui ne serait pas prélevé quotidiennement, mais seulement quand on en a besoin pour financer des projets décidés en commun, chacun participant en fonction de ses moyens au projet. Au niveau national, pensez à l'équilibre des territoires. Projets nationaux de redistribution sous forme de pots communs qui n'iraient pas dans une seule main, mais dans plusieurs caisses. Là aussi, chacun donne en fonction de ses moyens et peut contribuer plutôt dans une caisse que dans une autre. Projet débattu et voté par des citoyens. Transparence totale sur la gestion des pots communs. On peut imaginer que tout se fasse par réseau d'une localité à l'autre et non pas de façon nationale, puisque les échanges seront favorisés sans une instance de régulation-contrôle. La qualité des produits sera déterminante dans la production locale. Limitation des transports de marchandises à ce qu'on ne peut produire ici. Les citoyens apprendront à s'autoréguler en fonction de leurs besoins et des ressources qui sont disponibles. Cela passerait par la justice et les droits et les devoirs. Dernier point, empêcher la financiarisation des biens communs. Rendre les services publics non privatisables par nature. Interdire les paradis fiscaux. Point très important, les services publics, les pots communs peuvent aller vers un développement de moyens de transport moins énergétiques, moins polluants. Les voitures peuvent être disponibles seulement en location, pas individualisées. Possibilité de produire du gaz à partir des déchets, solution circulaire. Favoriser les autres modes de transport, marche, vélo, chevaux, train, bus, car. Penser distribution équitable des territoires pour les transports plutôt que rentabilité. Augmenter les réseaux de transport en commun, ne pas supprimer tout ce qui existe déjà, reconvertir à long terme. Voilà. Donc ça, c'est un résumé que je viens de vous lire. Et je vais passer la parole au modérateur de ce soir. Et voilà, t'as pas une petite intro à nous faire personnelle ? Non, je pense que t'as très bien résumé tout ce qui s'est dit. Et alors, les points d'aujourd'hui, est-ce qu'on les a ? C'est ici, ouais. On a encore deux points à discuter. Donc ça, c'est la troisième séance de l'atelier « Quelle société veut-on ? » On essaye de réfléchir à la société qu'on veut. Et dans cette société-là, on va discuter aujourd'hui de la gestion des richesses et des biens communs. Alors, on a déjà... là, Jérôme nous a présenté les deux premières séances qui a été dit. Alors aujourd'hui, on va discuter de deux choses. La remise en question des mythes de l'économie néoclassique, à savoir vers une économie post-capitaliste à inventer, le rejet du principe de croissance vers un principe de mieux vivre ensemble. Et ensuite, on pourra discuter d'une société sans salaire et d'une société sans argent. Donc d'abord, j'invite tout le monde à intervenir sur la question, la critique des mythes de l'économie néoclassique. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur cette question-là ? Quelqu'un pour intervenir sur les mythes de l'économie néoclassique ? Sinon, on peut parler d'une société sans salaire. S'il y a quelqu'un qui voudrait dire... Tu veux dire ? Oui, pour la société post-capitaliste, je pense que déjà, il serait fondamental de séparer économie et politique. Qu'il n'y ait plus... Que ce soit vraiment distinguer les deux et que toutes les décisions politiques ne soient pas directement en lien avec les enjeux économiques. Oui. Si vous voulez intervenir, vous me faites signe et je vous donne la parole. Bah, un point qui avait été développé quand on était avec la commission écologie debout, c'est que pour eux, le capitalisme ne peut pas aller avec développement durable. Ce sont deux choses qui sont complètement opposées. Voilà, donc c'est important de faire comprendre aux gens que On ne peut pas rester dans une société comme on a aujourd'hui tout en parlant de développement durable. Voilà. Merci. Bonsoir, j'ai juste envie de parler d'un truc que j'ai lu, quelque chose qui était utilisé par les Celtes et par tous les peuples du Nord et tout à l'époque. C'était une monnaie en fait constituée d'un mélange indéfini entre or et argent. En fait, ce qui fait que ça retirait aux deux métaux les plus précieux, en fin de compte, leur valeur singulière. Et du coup, c'est parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'argent, en fait, c'est de l'or dans des banques énormes. En fait, y a nos papiers, nos pièces, elles valent rien, en fin de compte. Donc juste pour le côté argent, ça me semble judicieux. Ouais, j'aime bien parce que... Au moins, elle permet pas d'accumuler tant d'or ou tant de machin. C'est juste une matière, en fin de compte, échangeable. Et ensuite, avoir une société sans capitalisme, ça veut dire retour aux petits échanges. Donc sur la route, voilà, une matière comme ça, quand même, une matière première, je dirais, mais générale et avec chacune leur faculté, je sais pas. C'est facile hein, de faire fondre ces métaux, hein, en fin de compte. Hein. Avec ça, c'est par exemple le développement aussi de chemins à pied. Par exemple, un ami qui est récemment parti à Barcelone, ça lui a pris un mois, mais à pied, et il m'a dit qu'il aurait pu le faire en deux semaines et demie. Des chemins, c'est-à-dire des chouettes chemins pédestres, même s'il n'y a plus de route bitumée aussi, parce que ça signifie ça, néo-capitaliste, c'est plein d'infrastructures qui disparaissent, d'aides qui. Enfin, non, juste d'entretien en fait. Mais si on n'a pas besoin de cet entretien, c'est plus un problème, quoi. Donc réfléchir ce qui va être détruit et ce qui pourrait être utilisé du coup. Marcher à pied, ça fait du bien. Et s'il y a des auberges tout le long, et si on a du temps, ouais. Quelqu'un veut intervenir sur la question de la remise en cause de l'économie néoclassique et sur le principe de croissance. Par exemple, je peux poser la question, est-ce que dans la société qu'on veut, dans une société post-capitaliste, est-ce que on parlerait encore de croissance ? Ouais. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, en ce qui concerne un des mythes, je crois, de l'économie néoclassique, justement, enfin, je ne sais pas si c'est récent ou même plus vieux, mais je pense que un des trucs flagrants, c'est qu'on est convaincu en fait que beaucoup de gens sont convaincus qu'on a le droit d'avoir tout, enfin qu'on a le droit, effectivement on a le droit en ce moment, je sais pas, mais qu'on peut avoir tout et tout ce qu'on veut en fait sans conséquence et même dire en toute impunité, ça serait jugé, donc enfin c'est pas question de juger, mais au moins d'y réfléchir, je sais pas. En fait, enfin tout simplement, ouais, de dire en fait on prend des ressources sans soucier, sans faire le rapport entre le besoin et l'exploitation, quoi. Et donc je sais pas, c'est pas vraiment une proposition. En tout cas, apprendre à savoir ce qui est raisonnable, on va dire, mais j'aime pas dire ça comme ça, d'exploiter et à quelle échelle, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Et pas croire en fait que tout nous est donné et que de toute façon c'est comme ça, parce que c'est nous, on est des hommes, et puis voilà, c'est comme ça. Je sais pas. Ouais, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ça me fait penser que j'avais déjà entendu dire qu'on est dans une société où c'est très difficile de prendre conscience réellement de nos actes, dans le sens où quand tu achètes à manger dans un supermarché, pour savoir tout ce qui s'est passé avant que tu achètes que tu manges ce jambon déjà tranché, pour savoir tout ce qui s'est passé, c'est impossible en fait. Donc t'as pas conscience de tout ce qui s'est passé, et toi tu l'as dans ton assiette. Bon bah voilà, c'est super, mais voilà, c'était pour dire ça. Alors, comme d'habitude, je voulais remonter aux origines de ce qu'on appelle notre société, et surtout du mythe, hein. C'est le mythe de Darwin, la survie du plus fort. Et c'est surtout ce qui s'est développé aux États-Unis et qui ont colonisé toute la planète, et la France en particulier, c'est-à-dire qu'on est des dépendants des États-Unis d'un point de vue philosophique, économique, etc. Mais même sans s'en rendre compte, on ne se rend pas compte qu'on ne réfléchit pas par nous-mêmes, on réfléchit selon les critères des États-Unis. Et ce critère-là, c'est l'économie qui gouverne tout. Et si tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux. Si tu n'en as pas, tu crèves. Mais Darwin, il n'a jamais dit ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, maintenant, ça fait au moins 20 ans qu'on se rend compte que c'est un truc complètement absurde, que c'est pas possible que tout le monde sur la planète ait le même style de vie que les Américains du Nord. Et donc il faut faire autre chose, et c'est comme on dit en France, chaque région peut faire ce qu'elle veut à sa manière, mais et la France pareil. Enfin, ce serait peut-être aussi bien qu'on abolisse les frontières et qu'il n'y ait que les régions qui existent. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus de problème pour collaborer et pour s'auto-gouverner. J'ai pas compris ce que tu as dit, Didier, là, à propos de Darwin, parce que Darwin, il dit pas ça, hein, il parle. On est d'accord, hein. Après, on appelle ça le darwinisme social, mais Darwin, lui, il dit pas que c'est le plus fort qui doit survivre, etc. Et surtout pas pour les êtres humains, parce que justement, pour les êtres humains, c'est un peu différent. C'est ce que fait remarquer Darwin. Darwin, c'est l'adaptation, hein. C'est l'adaptation pour la survie, hein. C'est la lutte pour la survie avec l'adaptation. Soit tu t'adaptes, soit tu... voilà. Mais c'est pour les animaux et ça n'a rien à voir avec les êtres humains, quoi. Enfin, Darwin, il parle pas de ça. Je sais pas si c'est ce à quoi tu fais allusion. Oui, toute façon, c'est ce que je disais. Darwin n'a jamais dit ça. Mais en plus, maintenant, c'est démontré, même scientifiquement, que chez les animaux, un animal qui s'est bien développé, qui s'est bien adapté à son milieu, si le milieu change, il est foutu, il crève. Tandis que ceux qui ne sont pas adaptés, ils ont des ressources pour se modifier et donc s'adapter au nouveau milieu. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est les moins adaptés qui ont plus de chances de survivre. Et tout ce qu'on voit, les excès qu'on voit actuellement, c'est justement les plus riches qui font tout pour survivre, parce qu'ils voient bien que ça va plus durer longtemps. Donc avant de disparaître, ils sont prêts à créer des guerres civiles, à accumuler, comme on voit les Chinois qui achètent pas des régions entières, mais presque des demi-régions de terrain en France. Enfin, il n'y a pas que les Chinois, les États-Unis, les Anglais, etc. Et après, il y a des politiques qui viennent nous dire il faut qu'on soit chez nous. Ben, on n'est déjà plus chez nous. On n'est plus propriétaire de notre pays. C'est fini, ça. Pour rebondir, sur le darwinisme, oui, pour moi, c'est... À chaque fois, on parle du plus fort, essayer de pointer du doigt, enfin, essayer de trouver au final qui nous domine, quel est le plus fort. En fait, le plus fort parle sous-entend surtout le plus faible, en fin de compte. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'utiliser le vocabulaire de plus fort sous-entend plus faible. Et du coup, c'est effectivement une société post-capitalisme, ce serait du coup sortir aussi de ce schéma d'un plus fort et d'un plus faible, parce que par exemple on peut dire du coup que le léopard, ouais, il est plus fort que le lièvre, mais au final il y a un équilibre là-dedans, un équilibre naturel, pas un équilibre des hommes, pas un équilibre du léopard, mais un équilibre naturel qui fait que ils sont forts chacun dans leur catégorie, quoi, ça se trouve c'est le plus grand le lapin, ça se trouve c'est celui qui a enfanté toute la vallée, donc sortir de ces schémas. Je disais parler des animaux, de l'éthologie humaine si tu veux, mais oui, il y a un équilibre, mais chez l'être humain il n'y a pas cet équilibre là c'est-à-dire qu'il bouffe, il tue pour vous manger. L'être humain peut tuer, comme disait Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, ils s'entretuent. Il y a bien une relation dominant-dominé. Hein. C'est en en dehors même de capitalisme. Hein. Tu enlèves chez le prolo, il y a une relation dominant-dominé. Hein. Je ne sais pas ce que tu vas chercher là, mais bon. Ouais, mais c'est très idyllique ce que tu dis là. Ouais. Oui, si tu veux. Non, c'est une vision réaliste de la réalité, quoi, je veux dire. C'est, le prolo n'aspire qu'à une seule chose, c'est d'avoir, d'accéder au capital et vice-versa. Vous voyez ce que... Je trouve que c'est Oui, oui, mais c'est une réflexion de l'humain dans sa société d'humain. En fin de compte, tout ça ne nous appartient pas, comme il vient de dire. On est en boîte dès le départ. Dès qu'on est, il y a un dock. Notre bateau arrive et on embarque en fait, comme sur les docks, vous savez. Non, bah pour dire que au final, non, c'est simplement qu'il faut sortir aussi de se dire que quelqu'un peut être plus fort que l'autre. C'est-à-dire, c'est retrouver un équilibre d'égalité au niveau de. Bah, dans la société des humains, dans celle-ci là, dans ces murs, c'est sûr que ça n'existe pas. On trouvera. Non, bien sûr. Ici, le pan ne peut pas survivre, c'est sûr. Hein, ça n'existera jamais. Mais jamais je connais pas. Oui, je précise, on fait un atelier où on réfléchit sur la société qu'on veut. Donc c'est on a une démarche utopique. Voilà. C'est la démarche qu'on a avec cet atelier-là. On essaye de se projeter dans le monde qu'on veut, même si c'est pas le monde qui arrive la semaine prochaine. On essaye de réfléchir aux objets, comment dire, au monde que l'on veut. Oui, bah l'objectif, justement, on est en train de définir cet objectif, c'est-à-dire la société qu'on veut. Alors on essaye de pas trop discuter de la société aujourd'hui telle qu'elle est, mais plus de se projeter. Voilà. Bon, juste c'est un peu une digression, quoi, parce que c'est pas le sujet, mais Darwin, là, le livre qu'il a écrit, la lutte pour la survie, la sélection naturelle, en 1859, si ma mémoire est bonne, il parle pas de fort ou de faible. C'est le hasard. C'est juste une sélection naturelle, une adaptation, et c'est le hasard. Il n'y a pas de fort ou de faible. Hein. Un fort, il peut se faire bouffer par un virus. Enfin bon, c'est le hasard. C'est simplement le hasard. C'était juste pour faire remarquer, quoi. Il n'y a pas de fort ou de faible. Hein. C'est après, il y a des gens comme Spencer, machin, qui vont parler de darwinisme social, justement, pour essayer d'adapter ça aux êtres humains. Mais bon, il n'y a pas de... Voilà. Même le darwinisme... Enfin bon, après, c'est d'autres théories. Ça n'a rien à voir avec Darwin. Voilà, c'est juste... pour marquer un peu enfoncer le clou un peu là sur Darwin, parce que c'est un peu gênant d'entendre parler de fort et de faible pour Darwin. Merci. Tout à l'heure on parlait de croissance. Ce qui me semble un avantage, c'est que la croissance est liée surtout à un régime capitaliste. Autrement, on n'en aurait pas forcément besoin, donc ça, on peut jeter, on peut se démerder sans. Pour la société qu'on voudrait, j'imagine qu'au niveau régime politique, on est à peu près tous d'accord sur le vouloir instaurer un régime démocratique. De ce côté-là, bon, bah, faudra réfléchir aux modalités, parce qu'il y a plein de façons d'en faire différentes de la faire. Ah, coucou. Et là, après, pour le régime économique, c'est là que ça, qu'on va plus se taper dessus. Donc, faut parler comment fonctionne si on veut un système monétaire, comment le faire fonctionner. J'imagine que niveau des banques, ça a une bonne discussion à faire là-dessus. Si on abolit le système d'intérêt. De prêts d'intérêt, bah ça, on n'aura plus besoin de croissance derrière, au moins on est débarrassé. Et si quelqu'un a de bonnes idées sur un système économique, sur les différentes modalités, je suis preneur, j'avoue, j'ai pas trop réfléchi. Quelqu'un veut intervenir ? Ouais. Ah oui, j'avais dit. Oui. Ce qu'on dit sur Darwin, je suis d'accord, on a complètement déformé ce qu'il a dit. Mais le fait qu'il y ait des forts et des faibles, ça c'est évident. Il y a des gens qui sont forts physiquement, il y en a qui sont forts intellectuellement, il y en a qui sont forts qui sont dans la culture, etc. Mais il y a une chose, c'est la lutte pour la vie dans le monde animal et dans le monde humain, c'est complètement différent. Et justement, c'est le fait qui caractérise l'humain, c'est que le fort aide le faible. C'est ça la caractéristique. C'est sûr qu'autour de nous, on le voit pas. On voit tout le contraire. Mais c'est pour ça que moi, je suis contre les institutions, en fait, tout ce qui est organisation, institution. Parce qu'à partir du moment où quelque chose est figé, où quelqu'un a un pouvoir, il va en profiter, tôt ou tard. Donc s'il n'y a aucune institution, tous les forts pourront tranquillement aider les faibles, parce que c'est leur instinct, c'est leur manière d'être, c'est humain. Tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher de la philosophie ou quoi que ce soit. C'est normal. À propos de la croissance, le gros problème de la croissance, c'est que c'est une abstraction purement mathématique, voilà, de l'économie. Et le problème de la croissance, surtout, c'est que la planète, elle est finie, elle. Alors que là, l'économie elle tape sur des croissances infinies. Il faut faire toujours plus de bénéfices. Voilà, ça, hein, la croissance, c'est faire pour que la machine tourne. Mais le problème, c'est que la planète, elle est finie. Et donc, on va dans le mur. Hein. C'est ça le problème de la croissance. Et en économie, quoi. Enfin, voilà, c'est une abstraction purement mathématique. La planète, elle est finie. C'est ça le gros problème de la croissance. Voilà. Quelqu'un veut réagir? Oui. Non. Bon, je vous rappelle, on discute des mythes néoclassiques, de la théorie économique néoclassique, et on pense à une économie post-capitaliste. À quoi ressemblerait cette économie post-capitaliste? Est-ce qu'elle reposerait par exemple sur le rejet du principe de croissance vers un principe de mieux vivre ensemble? Alors, est-ce que quelqu'un a une proposition? Oui, bien sûr. Ou sinon, on passe au. Bah, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est comme a dit le monsieur tout à l'heure. Il y a forcément des forts ou forcément des faibles. Et en fait, je pense que... Et il dit que ça, c'est une réalité. Mais en fait, je pense que c'est une réalité parce que, dans le fond, au final, on l'accepte. Et pour sortir du capitalisme, à mon avis, il faut sortir de ça parce que les gens, ils en veulent toujours plus parce qu'ils ont toujours peur que celui d'en face en aura plus qu'eux. Et ils ont peur de manquer de quelque chose ou je sais pas. Mais... Dans tous les cas, les gens, ils ont peur, en fait, de quelque chose. Et peut-être apprendre à se poser et à se dire que bah, la vie, c'est un passage. Et vaut mieux en profiter que de se battre toute sa vie à essayer, d'être meilleur que les autres. Voilà. Ouais, là, on rejoint beaucoup toutes les discussions qu'on avait eues sur la question de l'éducation. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur les contours d'une économie post-capitaliste, sur la gestion des richesses et des biens communs dans le monde, dans la société qu'on veut? Ou sinon, on peut intervenir sur une autre question. Oui, c'est pour rebondir sur justement la question de plus fort, plus faible. Et puis, quelqu'un parlait en termes d'équilibre. Et je pensais que ce qu'il faut faire attention avec ce terme d'équilibre, c'est que ça aille pas vers une norme, qu'on cherche pas à ce que tout le monde soit pareil, ce qui est un peu risqué avec l'égalité, mais que ce soit plutôt dans l'idée d'un respect de toutes les différences. Et de toute façon, il y aura toujours de l'inégalité parce que déjà physiquement, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, intellectuellement, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres. Mais à partir du moment où ça s'est pris comme une richesse, la différence, parce qu'il n'y a pas un idéal qui serait d'avoir ça en plus ou ça en plus, du coup, ça change énormément la vision des choses. Et peut-être que du coup, penser à une société post-capitaliste, alors, je ne sais pas, je vais le mettre en question, est-ce que ce serait changer d'idéal ou est-ce que ce serait refuser la notion d'idéal. Parce que ce serait peut-être pas mal aussi d'arrêter de chercher un idéal vers lequel tout le monde irait. Et je sais pas trop comment c'est possible, mais enfin voilà, je pose la question. Oui. Je voulais répondre parce que c'est ce que je disais. C'est le. Il faudrait parler du sens de la propriété aussi, parce que c'est tout ce que je disais des. Que l'idée que le fort doit utiliser le faible, c'est ce qui nous vient de l'idéologie des États-Unis. Mais c'est pas du tout naturel. C'est le problème, c'est que ça vient pas dès la naissance, mais presque. Combien de fois j'ai vu des enfants dans le bac à sable, et il y en a un qui prend un seau parce que, qui est du gamin d'à côté. Puis son père et sa mère diront non, c'est pas à toi, ou ne te laisse pas faire, on veut te piquer ton seau, récupère-le, donne-lui un bon coup de râteau. Des conneries comme ça, bon, mais c'est sûr qu'après, quand on grandit, on a cette idée qu'on va se faire avoir, cette idée qu'il faut être le plus fort, et surtout la propriété qui est complètement absurde. Alors que naturellement, c'est le partage. Il n'y a qu'à regarder toutes les sociétés primitives qui ont vécu des millions d'années. Et c'est la règle naturelle, c'est le partage, c'est l'entente, c'est le fort qui aide le faible, etc. Il n'y a pas besoin de règles. C'est le cœur humain qui est comme ça. C'est l'être humain qui est comme ça. Si on ne le déforme pas. Merci. En ce qui concerne la propriété, on peut essayer de commencer à réfléchir sur, par exemple, je me souviens de Bernard Friot qui parlait de la propriété des biens d'usage et des biens de production. À la limite, c'est les biens d'usage, si c'est notre voiture, notre maison, au moins ça nous rassure, c'est à nous, ça on risque pas de le perdre, c'est assez rassurant. Je pense que ça pose aucun problème aux gens d'avoir ce genre de propriété. Après, on peut réfléchir sur les biens les richesses, sur au boulot, à qui appartient. Qui appartient à quoi, l'usine appartient à qui. On peut démarrer à peu près là-dessus. Parce que j'ai entendu parler effectivement de communautés plutôt anarchistes, il me semble, où effectivement tous les biens étaient à tout le monde ou à personne, ça revient à peu près au même, il me semble. Et c'est où s'il y a un pull qui traîne, qui était à quelqu'un qui en avait plus besoin sur le moment, il y en a un autre qui pouvait l'utiliser. Bon. Il y en a certains qui arrivent très bien à se démerder avec, j'imagine que ça risque d'être très chiant pour d'autres. Même moi, je suis pas forcément à l'aise avec le principe, même si j'ai jamais essayé. Faudrait peut-être que j'essaye. Oui, j'espère, en tout cas. Mais rien que déjà commencer en douceur la transition entre le super système capitaliste où il faut que tout nous appartienne à ce que tout appartienne à tout le monde. Il faudrait essayer de voir s'il y a moyen de transiter doucement. Donc là-dessus, je connaissais l'histoire de Bernard Friot. Pareil, si on part sur l'idée de revenu de base, après, plus tard, peut-être ça salaire à vie, ça à redéfinir sur par rapport au travail, etc., l'emploi. Pareil pour l'argent, c'est... Il y a pas mal de... Pardon ? Alors, le salaire à vie, c'est inconditionnel. De souvenir, c'est par rapport à nos qualifications, nos compétences, notre niveau de diplôme, non ? On n'a même pas forcément besoin de travailler pour l'avoir. Je vais pas dire de bêtises, je m'y connais pas assez pour répondre à cette question. Donc, D'accord. Bon. Au final, j'ai zappé ce que je voulais dire sur la fin. On était pareil. On disait, il y a eu pas mal de débats sur l'argent. Est-ce que finalement on supprime l'argent parce qu'on voit que dans notre système c'est ça ne fonctionne pas. C'est toujours les grands propriétaires qui arrivent à tout accumuler. Les pauvres, ça ne les arrange absolument pas. Je me dis que l'argent c'est quand même utile, hein, ça existe depuis très longtemps sous toutes ses formes, hein, le système, enfin la monnaie, hein, en tout cas. Et pour les échanges, c'est super utile, c'est surtout la manière dont il fonctionne qui est à revoir. Donc ne pas tout jeter à la poubelle, mais surtout revoir le fonctionnement. Si ça en inspire certains qui ont réfléchi peut-être un peu dessus. J'essaie de lancer des pistes, aidez-moi. Arrêtez de parler de Darwin, s'il vous plaît. Oui, par rapport à salaire arrivé et revenu de base, en effet, le revenu de base, en fait, ce serait quelque chose dès que tu nais, t'en as un, alors que le salaire arrivé, c'est à partir de 18 ans, et ça peut être associé à un salaire en fonction de tes compétences. Par contre, le salaire à vie, c'est le salaire de base que tout le monde a, tout simplement parce qu'il est en âge de pouvoir travailler. Mais même s'il ne travaille pas, il a ce salaire de base. Ce salaire à vie, pardon. Juste que je pense, comme salaire à vie, comme revenu de base, il me semble que ça pourrait être une des transitions pour arriver justement à ce qu'on a pu dire au début. C'est-à-dire que... Voilà, qu'on arrive, comme tu le disais d'ailleurs, je crois, à la propriété seulement au niveau de l'usage. C'est-à-dire, on a besoin de quelque chose. Quand on en a besoin, on l'utilise. Quand on n'en a plus besoin, on ne l'utilise pas. Et on pense à long terme. C'est pas parce qu'on utilise quelque chose quand on en a besoin qu'on va, par exemple, détruire une terre, parce que là, on a besoin de cette terre pendant un an. On l'exploite complètement et après, elle est inutilisable. Non, on l'utilise, même si on a besoin qu'un an, en la rendant à nouveau utilisable par celle qui arrivera après. Ça me fait penser à un truc étrange, mais... Ah. Ah, j'allais sortir une blague en plus, mais... C'est pas nécessaire. Bon. Non, c'est quand on va dans les toilettes, il y a les scellés tels que vous les avez trouvés, quoi. Enfin voilà, ce serait pareil pour la terre. Voilà. Donc à la limite, ce serait la transition pour arriver à ça. Mais le problème du salaire à vie, c'est que ça reste distribué par une instance, par une institution, et donc ça donne une dépendance par rapport à cette institution-là. Alors que si on pense que dans la société idéale, bah, tu disais tout à l'heure plus d'institutions. Alors ça peut être une question. Et en effet, si ça fonctionne de façon locale, que les gens locales, c'est-à-dire quand on reste dans un endroit, donc encore une fois propriété d'usage, mais aussi global parce que les gens circulent d'une localité à l'autre. Finalement, les institutions, il n'y en a pas tellement besoin. Par contre, il y a un point sur lequel que le partage, tout ça, c'est dans la nature humaine, etc. Voilà, la nature humaine, moi, j'y crois pas trop. Mais ça repose la question qu'on avait posée la dernière fois, qui était dans ce système-là, justement, où les gens circulent et peuvent se poser à un endroit en respectant le temps de la terre, en respectant tout ce dont ils ont à disposition. Est-ce qu'il faudrait quand même une instance régulatrice pour éviter, justement, qu'il y ait une accumulation, etc. Et donc, c'est là où on avait dit, il faut quand même qu'il y ait des droits. Alors, qu'il y ait des droits, donc qu'il y ait une justice. Donc, qui est une institution. Enfin, voilà, c'était un peu le point sur lequel on avait fini la dernière fois. Et d'ailleurs, enfin, on peut le remettre en débat aujourd'hui, hein, mais ça pose aussi une autre question dans ce que tu dis, c'est que du coup, il y aurait une sorte de morale, en fait, qui remplacerait les règles de l'institution, enfin, la morale qui serait du partage. Je sais pas, est-ce qu'il faudrait mieux, justement, qu'il y ait une morale comme ça qui circule? Est-ce que ça rend inopérant, du coup, une institution derrière. Est-ce que la seule institution qu'il faudrait garder, par exemple, c'est pas la justice? Je ne sais pas. C'est pas pour répondre que je suis une intelligence faible. Mais je vais juste donner un exemple que... Je ne sais plus exactement comment s'appelle la région en Argentine, dans le sud de l'Argentine, où Benetton a acheté 1 million d'hectares. Et sur ce 1 million d'hectares, évidemment, il y avait des villages de gens qui étaient là depuis longtemps. Et les gens commençaient à protester, à dire « Mais là, vous êtes chez nous. » Et Benetton a dit « Ah, faites voir votre titre de propriété. » Mais qu'est-ce que c'est ça, un titre de propriété? On n'a jamais eu ça. C'est... Bon. Et donc Benetton les a fait jeter dehors par l'armée. Et ils sont devenus émigrés, comme beaucoup d'autres émigrés. Et c'est ça que je veux dire. C'est enfin comme on disait même dans le temps, la terre à celui qui la travaille. Parce que c'est ce qu'on voit de plus en plus des pays les plus forts qui achètent des terres dans les autres pays comme en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Parce qu'ils se rendent bien compte que bientôt il y en aura besoin, parce que chez eux c'est tellement pollué qu'ils ne peuvent plus y vivre. Mais à partir du moment où on crée une institution, ben on crée l'esclavage, hein, et on crée le droit du plus fort. C'est pas du tout la même chose que le partage. Oui, alors je rappelle, on est l'atelier du Pop, on réfléchit sur la gestion des richesses et des biens communs dans la société qu'on veut. Et là, on réfléchit plus précisément sur la question de la remise en cause des mythes néoclassiques et de la possibilité, donc des contours d'une société post-capitaliste où l'intérêt de chacun, de la communauté, du bien vivre ensemble se remplacerait l'idéal de croissance. Alors voilà, je vais tourner la parole. Quelqu'un veut intervenir sur cette question ? Voilà. Alors moi, je vais peut-être intervenir. Concernant les mythes néoclassiques, il y a un mythe néoclassique qui est très répandu et qui s'est imposé ces dernières décennies. C'est l'individualisme. C'est la toute-puissance de l'individu. C'est celle qui consiste à dire que l'individu, en servant son propre intérêt individuel, en fait, il sert l'humanité, il sert le développement de l'économie, il sert cette croissance, le développement des richesses. Et ce que je trouve dommage, c'est que en fait, on a pu opposer à ce culte de l'individualisme des institutions qui seraient chargées de réduire en fait la portée, la force de cet individu, la puissance économique et sociale et politique de cet individu par le bien institutionnel. Or, moi, je pense, dans la société post-capitaliste, je pense que l'individu, on ne devrait pas nier la capacité d'initiative, l'autonomie de l'individu, mais rejeter cette idée d'idéalisation qu'il y a dans le mythe néoclassique, et aussi trouver des moyens, notamment via l'éducation, via le développement de lieux communs, le développement d'échanges, de liens sociaux, pour engager cet individu et lui faire prendre conscience de la place qu'il occupe dans la société, mais dans la société au niveau local, le plus local possible, c'est-à-dire au sein de sa famille, de son quartier, mais aussi au niveau global. Et ça passerait par l'éducation. Et je pense que à ce niveau-là, le recours aux institutions, il serait dangereux. Donc je rejoins un peu Didier là-dessus. Je pense que face à l'individualisme, je ne pense pas que la réponse doive être institutionnelle. Bon, c'était mon point de vue. Quelqu'un veut intervenir ? Est-ce que tu peux préciser si la réponse, comme tu dis, doit pas être institutionnelle, de quelle nature elle doit être, selon toi ? Je pense qu'elle devrait être éducative. C'est-à-dire, ça commencerait dans la famille, c'est-à-dire comment les parents élèvent les enfants, pas en leur expliquant « alors tu es seul face au monde, il va falloir que tu te battes, il va falloir que tu te défendes, que tu attaques, que tu bouffes les autres, ou du moins que tu les tiennes à distance ». Fais attention, l'homme est un loup pour l'homme, toutes ces choses-là. Donc là, ça commencerait là-dessus. Après, ça continuerait à l'école, où on expliquerait aux enfants qu'ensemble, en créant plus de projets communs, par exemple, au sein des classes, et pas en favorisant la compétition et la concurrence. Mais ça, c'est aussi un des mythes de l'économie néoclassique, c'est les bienfaits de la concurrence qui va de pair avec l'intérêt individuel. Et je pense que ça aussi, ce serait quelque chose à discuter, la question de la concurrence en termes économiques. C'est-à-dire qu'on a des gens dans une localité qui font pousser des choux, Bon, ça leur demande tant d'eau, tant d'ensoleillement, tant de tant d'engrais, tant de travail. Et ceux de la localité à côté, bon, bah, c'est la même chose, ils font pousser la même chose, sauf que ça leur demande un peu moins d'engrais, un petit peu moins d'eau, un petit peu moins de travail. Et au final, bon, la valeur des choux, elle n'est peut-être pas la même dans les deux localités. Bon, alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas créer un déséquilibre, enfin des problèmes à ce niveau-là, pour parce que d'un seul coup là c'est aussi ça qui crée la concurrence, c'est les différentes possibilités en termes de production. Donc voilà, ça c'est le sortir des mythes de l'économie néoclassique, c'est aussi remettre en cause ces questions d'individualisme, les questions de concurrence et d'autres. Ah, quelqu'un veut intervenir ? Merci. Juste deux secondes pour effectivement mettre en opposition, hélas, une dualité encore entre l'égosystème et l'écosystème, au final, d'humain, quoi. C'est un système vraiment, en fait, pour moi, c'est l'entité peuple, en fait, elle-même, qui fait que on réfléchit l'humain comme faisant partie du peuple, en fait, comme faisant partie d'un groupe d'humains, alors qu'au final on fait partie de la nature, on doit faire certaines choses au final en rapport à la nature, en plus d'en rapport aux autres humains. C'est bien beau de dire qu'il faut pas tuer, qu'il faut pas lui voler, qu'il faut pas, etc., mais ça c'est nous enfermer encore dans ce que pour moi on appelle le peuple, quoi. Alors qu'au final l'individu se réfléchit à partir de l'individu et de là lui de manière juste je mets en rapport un proverbe un peu chinois, il me semble, c'est juste que celui qui est vraiment bon vivant à l'époque d'abondance deviendra mauvais gaspilleur en époque de pénurie. En fait, c'est juste que les attitudes, en fin de compte, si on se base sur, par exemple, tiens, le magasin sera toujours ouvert, j'aurai toujours mon salaire, eh ben, on mangera des fraises si on peut en hiver, et simplement parce que nous-mêmes on n'est pas branché au final sur, ne serait-ce que sur les saisons, etc. Comme disait, mettre les mains sur la terre, il y a tout ce qu'il faut, hein. Ceux qui préfèrent sortir l'hiver, faire du sport l'hiver, l'été, au final, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, créer un écosystème, c'est-à-dire plutôt l'humain qui se réfléchit dans le monde naturel, quoi. Ouais. Déjà, pour lutter contre l'individualisme qui est la base de la société de concurrence, il y a une chose qui serait à faire, ce serait de revoir les modes de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui prévoit la consommation comme une nécessité d'avoir toujours plus de confort, toujours plus de produits, toujours plus de gadgets. En plus, avec des objets qui ont une durée de vie plus réduite, hein, l'obsolescence programmée, qui nécessite justement de faire preuve d'encore plus d'individualisme pour gagner plus d'argent, pour pouvoir acheter à nouveau le produit suivant. Ça ne se voit pas forcément à l'échelle individuelle, mais quand on regarde sur toute une population, l'effet est assez marquant. Donc en revenant en arrière, en redéfinissant les modes de consommation, non plus en fonction d'une production, d'une capacité de production, mais en fonction de besoins, on pourrait réduire cette pression et justement développer d'autres activités comme... et revoir des modes de production, par exemple pour l'agriculture, sur la permaculture, de la grille et de l'agroforesterie, et avec des modes de production partagés, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça laisse du temps à chacun pour aller participer à des travaux communs, qui n'ont d'autre intérêt que de servir l'intérêt commun. Merci. Oui, c'était. Il m'avait oublié, mais c'est normal, on s'oublie entre nous. oui, par rapport à égosystème, écosystème, et même sur. Finalement, je me rends compte pas mal de choses qu'on dit. Si on devait sortir de tous ces mythes-là, on pourrait prendre un mythe qui serait le mythe du circulaire. De penser Alors vous allez dire, oui, du coup, on tourne en rond. Bah peut-être, mais en tout cas, non, parce que dans le sens où il y aurait des cercles dans d'autres cercles. Et donc là, par exemple, il y aurait... Et chercher l'expansion au niveau circulaire. Alors je vais m'expliquer un peu mieux. Par exemple, déjà, il y a le cercle de l'individu, voilà, qui fait déjà un cercle. Et s'il cherche l'expansion dans ce cercle-là, il va chercher en lui-même de quelle façon est-ce qu'il interagit avec les autres, ce qui se passe dans son propre corps, quel rapport il a avec... les choses qui l'entourent, l'eau qu'il boit, voilà, dans ce petit cercle-là déjà qui est soi, essayer d'expérimenter toutes les choses possibles. Ensuite, dans le cercle, on va dire, allez, un autre cercle après, la famille par exemple, et ben dans ce cercle-là, voir de quelle façon les choses circulent, essayer d'y circuler au mieux et de l'expérimenter aussi à travers déjà le cercle d'avant. Et aussi, voilà, puis les cercles comme ça, donc ça peut être aussi, du coup, le dernier cercle, bien sûr, on pourrait dire ce serait la Terre ou l'univers, enfin, ce que vous voulez. Mais à chaque fois, pensez en termes, du coup, dans ces cercles d'équilibre. De quelle façon est-ce que nous, on se trouve... Ce qui m'a fait penser à ça, c'est quand quelqu'un a dit... Oui, l'individu occupe une place dans un environnement. Et donc, en effet, pensez en termes circulaires, du coup, ce serait penser quelle place j'occupe dans ce monde qui se transforme et dans lequel les choses... finalement sont toujours déjà là, parce que bon, il y a quand même pas grand chose mis à part Superman qui vient de l'univers et qui arrive sur Terre et qui sinon les choses voilà sont déjà là, se transforment. Et donc en fait, penser en termes circulaires, ce serait aussi penser dans l'idée comment à long terme améliorer ce qui est, mais en sachant que tout est déjà là, pas pour produire quelque chose d'autre, enfin, parce que de toute façon quelque chose d'autre, ce sera juste une transformation de voilà. Donc je sais pas si ça permettrait, enfin je pense que ça changerait énormément de choses aussi pour la circulation donc des biens communs, sur l'utilisation des richesses, sur si on pense en mode circulaire et cyclique, du coup forcément la question de compétition n'existe pas. En fait, penser en mode circulaire, ce serait pour sortir du mode actuel que j'appellerais le mode ascension. Voilà, actuellement, mais déjà avec la religion, etc., on pense en mode ascendant. Voilà, on va vers quelque part qui va nous faire monter, puis de toute façon, on finit toujours par tomber, donc voilà. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, moi en fait, du coup, ça me fait penser un peu, enfin tout ça, ça me fait penser, je réfléchis en même temps, et alors je sais pas si c'est l'effet de l'atelier, parce que je sais pas si j'aurais forcément cru avant... Mais je crois de plus en plus en fait à une société sans argent. Mais en fait, tout simplement parce que justement, avec tout ce que vous avez dit sur l'individu et tout ça, je pense qu'en fait l'argent, je sais pas si c'est son rôle, mais en tout cas c'est une des conséquences, limite énormément le rapport à l'autre en fait. Enfin, je pense qu'une de ces conséquences, ouais, de l'argent, c'est vraiment de couper le rapport aux autres en fait. Et justement de donner l'impression qu'il n'y a plus besoin des autres presque en fait. C'est l'argent, l'argent remplace un peu ça en fait. Et du coup, pour moi, c'est en fait là, je viens juste penser que c'est une raison très logique du coup pour l'enlever, parce que je me demande, du coup, si ça n'existerait pas, quel intérêt en fait, quel intérêt on aurait à faire ce qu'on fait. Et du coup, je pense, et je suis assez persuadé qu'on le ferait quand même, et qu'on le ferait peut-être, je sais pas si on le ferait mieux ou très différemment. Et en tout cas, je pense que le problème aussi qu'on a souvent, c'est que on dit société sans argent, et du coup derrière dans notre, enfin en tout cas peut-être c'est moi, c'est personnel, mais dans ma tête on espère une société qui serait égalitaire ou quelque chose comme ça, alors que forcément qu'elle serait une société sans argent, je dis pas qu'elle serait forcément égalitaire ou quoi, mais je vois clairement que les rapports entre les gens seraient vraiment différents. Voilà, du coup c'est, je pense que c'est là-dessus qu'on doit jouer en fait. Voilà. Oui, comme je voulais dire, ce qui est gênant, c'est la propriété, c'est pas l'argent. Parce que l'argent, ça sert à échanger. Et comme dans les selles, par exemple, si tu veux, il n'y a pas de. Personne ne se sent propriétaire de quelque chose, parce que ce qu'il achète à un moment, il va le revendre. Mais surtout, c'est entre l'acheteur et le vendeur, il y a une négociation. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire, moi je veux vendre ça 100, l'autre il peut dire non, c'est 50, etc. Et on peut négocier. Mais l'important, c'est que la valeur d'échange ne dépasse pas la valeur d'usage. C'est ça qui est important. L'usage, ça vaut toujours plus que l'échange. Et puis je voulais dire un autre truc sur le cercle en expansion, ça fait une spirale. Et comment dire, le pouvoir qui grandit, ça fait une pyramide. Et je me rappelle plus ce que je voulais dire. C'est le ouais, je me rappelle plus, ça fait rien. Oui, ce qui a résonné pour moi tout de suite quand j'ai entendu en circulaire, j'ai tout de suite, juste ce qui m'est venu dans l'esprit, c'était un système économique très sain en fin de compte, simplement. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut limiter l'échange, qu'à un moment ça devient toxique, quand ça va trop loin, quand ça use trop d'une terre pour aller sur une autre terre. Et donc c'est cette notion circulaire qui au final rejoindrait effectivement des... comme il disait, les départements que je trouve encore un peu grands, mais effectivement le système de canton, c'est là qu'est né des systèmes tout à fait nouveaux à l'époque grecque, hein. Je crois que c'est le seul truc qui, à l'époque de la Grèce antique, c'était des petites communautés comme ça, par grande communauté, oui, c'est ça, des communes, quoi, qui rassemblaient plusieurs villes. Et donc c'est circulaire, c'est définir au final nous-mêmes quelle est au final la terre qu'on utilise pour produire quelque chose, et les échanges sont facilités dans ce cercle-là, vu que tout le monde peut avoir part aux échanges, aux débats, tout le monde peut parler à l'autre s'il n'est pas d'accord, enfin ça reste qu'une mainmise soit faite sans être faite, quoi. Voilà. Donc voilà, le système communauté circulaire, j'aime bien définir des cercles. Quelqu'un veut intervenir? Ouais. En parlant de société circulaire, il y avait un exemple et un contre-exemple donc sur la société linéaire, qui est actuellement, ça se fait beaucoup, c'est les épurateurs d'air. Donc ça, c'est l'exemple type d'une société linéaire. C'est une solution technologique à un problème où on va investir et vous proposer un produit à acheter. Il y a d'autres solutions qui existent, qui sont des solutions, qui sont une solution plus circulaire. Il y a tout un tas de plantes dépolluantes d'atmosphère qui existent, qui ont une croissance très rapide. Et n'importe qui peut en cultiver chez lui, dans des pots plus ou moins grands. Et la multiplication végétative de ces plantes va en fournir d'autres plantes qui pourra donner à une autre personne, qui va pouvoir lui-même développer sa propre culture, qui va lui permettre de multiplier ses plants pour en donner aux autres. Donc un système circulaire où en fait c'est une expansion où chacun utilise ce qui est déjà existant pour le faire croître et améliorer ses conditions de vie, plutôt que la solution technologique qui consiste à acheter un produit. Hein, qui va être d'autant plus cher, qui va nécessiter, quelqu'un parlait d'abandonner l'argent, qui va justement nécessiter un mécanisme financier. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était à propos des institutions, que le problème, c'est que si on crée une institution, que ce soit la justice ou une autre, on donne du pouvoir à certaines personnes que d'autres n'ont pas. Alors il faut créer un contre-pouvoir, donc une autre institution, comme par exemple la police. Et quand il y a la police, il faut faire des prisons, etc., etc. Et à partir de là, c'est un cercle vicieux, c'est pas un cercle vertueux. Et tout le monde est contre tout le monde à la fin. Voilà. Chaque institution contre chaque autre institution, comme on voit actuellement. Quelqu'un veut réagir? En fait, moi, ça me fait réfléchir et ce que tu dis là, ça me fait penser que, en fait, c'est comme si l'homme il essayait toujours de trouver des solutions à l'extérieur de lui-même et d'accuser tout ce qui est extérieur à lui-même, alors qu'en fait, il a toutes les solutions à l'intérieur de lui et qu'il a du mal à les trouver, on dirait. Donc, je sais pas. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il y en a qui veulent absolument s'approprier toutes les richesses possibles. De quoi ces gens-là ils ont besoin? Je me demande pourquoi ils ont besoin de ça, ces gens-là, tu vois. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi. Est-ce qu'ils ont peur de manquer? Est-ce qu'ils veulent absolument être tout puissants? Pourquoi ils ont besoin de vouloir être tout puissants? Voilà. C'est des questions que je me pose et je pense que c'est important de réussir à, à comprendre ce fonctionnement-là. Tant qu'il y aura des gens qui auront besoin de fonctionner comme ça, voilà, ces gens-là, ils voudront tout, de toute façon. Pour essayer de te répondre, moi je dirais tout simplement ces gens-là, ce qu'ils font, pour eux, c'est tout simplement une jouissance. Voilà, donc ils ont fait des choix et ils assument ces choix à leur manière, en détruisant les autres à leur profit. Et donc la seule solution, c'est qu'il y a des gens qui sont contre ça, qui trouvent les ressources nécessaires pour s'allier et les combattre. En dehors de ça, moi personnellement, je ne vois pas d'autre solution. Ouais, moi je voudrais aussi te répondre. Je sais pas, je pense que c'est aussi des choses qui sont de l'ordre de la psychologie, la psychologie des individus et aussi des groupes. C'est aussi lié à l'éducation. Parce que je sais pas, quand tu parles de personnes qui veulent prendre le pouvoir sur d'autres, accumuler toujours plus. Mais est-ce que ce sont est-ce que tu parles des politiques, des requins, de l'économie, du capitalisme, de la finance, ou alors est-ce que il y a aussi tout le phénomène des petits chefs, tu vois, des gens qui veulent avoir du pouvoir sur les autres, mais bon, qui en même temps ne sont pas à la conquête du monde, mais si dès lors qu'ils ont de l'autorité sur 5, 6, 7 personnes, eh bien, ils sont heureux, en fait. Ça leur donne une raison de vivre. Alors là, je pense que le problème, il est là, plus que peut-être ceux qui veulent devenir les maîtres du monde. Ou là, enfin, je sais pas si... Voilà, je me pose la question. Est-ce que c'est le même processus qui est engagé des deux côtés? Voilà. Je sais pas si quelqu'un peut... En fait, c'est l'expression de base de l'individualisme, c'est-à-dire « je » par rapport à l'autre. Et celui qui veut grimper, avoir toujours un peu plus de pouvoir, toujours un peu plus d'argent, c'est ce qu'on appelle la réussite sociale ou professionnelle. Et en participant à ce petit jeu, il se prouve à lui-même, dans le cadre d'une société individualiste, qu'il existe et qu'il n'est pas en situation d'échec. Celui qui n'essaye pas de grimper en grade, d'acquérir plus d'argent et autres, c'est celui qui a raté sa vie. Alors, on a souvent eu des exemples, hein, si t'as pas tes Rolex, t'as rien du tout, etc. J'essaie de me dire comment je pourrais essayer de répondre en partie à ta question. Et alors, pour... ouais, je ne veux pas rentrer non plus trop dans la théorie psychanalytique, mais bon, pour sortir des points quand même, voilà. On parle quand même d'un ordre phallique. Un ordre phallique, c'est quelque chose qui remonte... C'est pas le capitalisme, hein. C'est, en fait, ça remonte à la première société où il y a eu un maître et des esclaves. C'est-à-dire, à partir du moment où un homme avait la propriété du corps d'un autre, où il pouvait en jouir, on a parlé de jouissance tout à l'heure, c'est-à-dire l'utiliser comme il le voulait, lui donner des ordres, etc. À ce moment-là, il a perçu que lui-même... Il dépendait de l'esclave. Non, c'est un peu la théorie des gueules que je sors. Hein. Il dépendait de l'esclave pour survivre. Et donc, en fait, lui ne pouvait même plus jouir de son propre corps parce qu'il dépendait des autres. Et à ce moment-là, il a eu, par rapport à l'esclave, un besoin de le redominer, parce qu'il sentait qu'en fait, celui qui était libre dans l'histoire, c'était l'esclave. Parce que l'esclave, une fois qu'il était... Il avait juste une domination de force, en fait, l'esclave. Mais son propre corps était totalement psychiquement libre. Voilà, en tout cas. Alors que, en dehors du rapport de force, l'esclave avait une liberté totale, alors que le maître, en fait, même quand l'esclave n'était pas là, restait dépendant de l'esclave. Et donc, comme on s'est quand même énormément appuyé sur cette relation-là pour construire la société de maintenant, et dans cette relation-là, il y a eu pas mal d'exclus. Donc il y avait l'esclave, il y avait les femmes. Alors ce qui est assez intéressant là, avec ce qui s'est passé au niveau du féminisme ces derniers temps, c'est qu'au 19e siècle, donc il y a eu toute la question de l'hystérie qui est sortie. Et en fait, l'hystérie, c'est la femme qui, voulant être dans ce rapport phallique, se prend pour un homme. Mais donc du coup, exprime des choses dans son corps qui paraissent complètement folles à l'extérieur. Et parce qu'en fait, il y a un conflit chez l'hystérique entre cette jouissance qui fait qu'elle a encore possession de son corps, et ce rapport au maître dans lequel elle cherche une... Elle est entre l'esclave et le maître, en fait. Et toutes les luttes féministes ont fait que maintenant... Je critique pas les luttes féministes en disant ça, attention. Mais maintenant, la femme est inscrite dans l'ordre phallique. Elle est dedans, en fait. Elle n'a plus non plus cette liberté de corps qu'elle pouvait avoir peut-être pendant un moment. Et en fait, là où le capitalisme a fait aussi accentuer les choses, en disant, ce n'est plus le maître qui a le pouvoir, c'est le marché. Donc le maître lui-même, finalement, était soumis au marché, mais du coup, tout le monde était maître. Donc en fait, tout le monde est rentré dans ce système-là. Et donc l'esclave, dans ce que je disais au début, l'esclave, c'est le marché, en fait, l'esclave. Donc le seul qui est libre dans l'histoire, c'est une entité fictive. Donc on se retrouve tous aliénés à la position de maître, avec le seul pouvant, jouir du coup de ses propres capacités, c'est le marché, donc un truc qui n'existe pas. Donc ça peut en partie, je sais pas si c'est clair ce que je dis, hein, mais voilà, ça peut en tout cas expliquer d'une certaine façon pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette reconnaissance, mais en fait la reconnaissance, ce serait la reconnaissance que le marché nous reconnaisse comme pouvant le posséder, quoi. Et en effet, ça risque pas de marcher. Mais là, ce que tu as défini, c'est une dynamique qui est assez, qui est à long terme. C'est un vieux processus qui s'est installé. Et bon, ça, ce sera la deuxième partie de l'atelier. C'est comment est-ce qu'on brise, on essaye de remettre en cause ça. C'est bien ça. Mais ça, c'est une dynamique. C'est quelque chose qu'il faudra dépasser. C'est dans la société post-capitaliste. C'est bien ça. D'accord. Et donc, le circulaire permettrait de dépasser ça. Parce que cette relation-là, c'est une relation de reconnaissance. Donc, c'est un rapport binaire ou ternaire, mais c'est une question de reconnaissance. Et donc, ça fonctionne de façon ascendante. C'est pour ça que je disais le circulaire contre l'ascendant. Quand tu es dans le circulaire, tu es tout de suite dans les multiples. Tu n'es pas dans le 1 contre 1. Et donc, ça permettrait, du coup, donc il nous manquera comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre, mais allez. Dans le circulaire et dans le multiple, ce serait sortir du unaire et de la reconnaissance, quoi. Est-ce que quelqu'un va intervenir? Oui. Pas grave. Alors, je veux dire, un peu le même sujet, mais quand on parlait de pourquoi les gens veulent accumuler, etc. Mais et c'est aussi dans l'état d'esprit de tout le monde, même des pauvres. Hein. Et à mon avis, c'est le problème du plaisir. C'est qu'on est dans une société où on ne sait plus ce que c'est que le plaisir. Le vrai plaisir, c'est de manger, de respirer, de discuter avec des copains, etc. Seulement que maintenant, il faut avoir quelque chose pour avoir du plaisir. C'est le plaisir d'acheter, de montrer qu'on est solvable. Mais ce n'est plus du plaisir. Même sexuellement, aujourd'hui, il y a une... je sais pas comment on peut dire ça, une espèce de rage, hein, de faire l'amour à tout prix et d'être toujours excité, toujours plus excité par les radios, par la télé, par les films, par la publicité, etc. Mais c'est pas ça le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose de tout simple, de tout de tranquille. Comme c'est aussi une question d'éducation, mais pas uniquement. Mais par exemple, quand on met les enfants devant la télé, de voir des films pour enfants, des films qui ont des formes horribles, des couleurs horribles, un mouvement très, très rapide, avec plein de lumière, de flash, de changements rapides, et ils pensent que ce qu'ils ressentent à ce moment-là, ils pensent que c'est du plaisir, alors que c'est pas du tout ça. Alors que j'ai rien contre la télé ou le cinéma, mais on peut faire aussi des beaux films, des beaux personnages avec des couleurs plus tranquilles. Et à ce moment-là, c'est le plaisir naît petit à petit, et surtout quand on est ensemble, plus on est nombreux, disons, faire la même chose, plus on a de plaisir. Comme le... Enfin, pas forcément de faire l'amour, mais... disons, de toute façon, faire l'amour tout seul, c'est pas évident, il faut au moins deux. Et je veux dire, à partir de là, il y a même une théorie qui dit que tous les gens qui veulent accumuler, ils sont des frustrés sexuels. Et bon, à voir la tête de beaucoup de gens, je tends à le penser. Mais aussi le fait, par exemple, de vouloir posséder des tas de choses, c'est quelqu'un qui a 3 maisons, 10 voitures, et je sais pas, qui achète plein de choses, finalement, lequel des deux possède l'autre ? Il est possédé par ses possessions, quoi. À partir du moment où on ne possède rien, on peut jouir de tout. C'est tout bête. Je sais que c'est pas excitant, mais je crois que c'est ça aussi l'humain. C'est la simplicité. Quelqu'un veut rebondir ? On passe à l'autre question. On passe à la question de l'argent. Bon, on est déjà dedans, ouais. Oui, parce que société sans salaire, société sans argent. Alors sans salaire, ça je sais pas. Mais une société sans argent, bah, pour répondre à ce que tu disais, Seb, moi je pense que l'argent, en fait, moi je le conçois. En fait, il y a deux façons de concevoir l'argent. Tu peux concevoir ça comme une sorte de puissance, une sorte d'objet, mais je dirais plutôt oui, une puissance qui domine nos vies, en fait, qui domine la société, qui domine l'économie, ça s'appelle la monnaie, et quelque chose qui a pris une place extrêmement importante du fait du capitalisme. Et puis après, il y a l'argent, il y a aussi tout simplement l'outil. Moi, je perçois plus la monnaie et l'argent comme un outil. Alors évidemment, s'il est mis au service des puissants, des forces financières, c'est terrible. C'est un outil d'une puissance phénoménale et très destructrice. Mais après, si elle est mise, si c'est mis au bénéfice d'autre chose, voilà, je pense que ça peut pas être forcément si mauvais que ça. Et je pense que dans nos vies, tous, on n'est pas non plus totalement soumis à l'argent, c'est-à-dire on fait encore beaucoup de choses à partir du moment où on peut produire quoi que ce soit par nous-mêmes, on est tout à fait libre de l'échanger, de le diffuser gratuitement et de ne pas le faire rentrer dans un circuit qui est dominé par l'argent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc voilà, je dirais que la remise en cause de l'argent, pour moi, dans la société qu'on veut, je dirais que oui, il y aurait de l'argent, mais ça servirait à régler des choses, des échanges bien précis. Ouais, mais en fait c'est marrant parce que du coup je me rends compte que je suis un peu plus utopique, moi, en tout cas, parce qu'en fait Didier me l'a fait penser aussi, et là tu confirmes en disant c'est un outil, effectivement, et du coup c'est un outil, mais déjà en fait c'est déjà peut-être ça qui me dérange, parce que c'est un outil pour faire un échange. Et donc voilà, en fait c'est déjà ça qui me dérange, déjà on cherche l'échange, et enfin après ça me dérange, voilà, je sais pas, peut-être j'en demande trop, mais du coup que pourquoi on cherche déjà l'échange et pas juste le partage ou le don, en fait, parce que déjà on pense déjà à l'échange, et après c'est une question, hein, c'est peut-être que je suis trop exigeant, mais voilà, c'est, et du coup effectivement après si on cherche l'échange, je suis complètement d'accord que cet outil est pratique, mais du coup parce qu'on est déjà dans une logique d'échanger et plus de enfin voilà, il y a déjà un échange, comme si du coup ce qu'on produit doit nous rapporter quelque chose, déjà il y a déjà cette pensée là derrière que je trouve qu'on pourrait remettre en question. Voilà. Parce que je réfléchissais par rapport à ce qu'on avait sorti de l'idée de pot commun, et j'étais en train de me dire peut-être qu'en tout cas il pourrait pas y avoir de l'argent individuel, que les gens ne posséderaient pas d'argent, mais que par contre il pourrait y avoir, donc là peut-être sous forme de... Ouais, mais du coup ça recrée la banque. Parce que si on veut... Enfin je sais pas, je pense par exemple à la culture ou toutes ces choses-là qui demandent du matériel qui n'est pas forcément immédiatement disponible pour que les informations circulent. Ouais non, mais en fait ça marche pas ce que j'allais dire. Non, donc en fait je suis plutôt d'accord sur sans argent. Parce que ça peut, même si c'est par exemple, disons, donc dans cette société, voilà, on est dans un endroit, pensons un peu en mode local, et on décide de construire une école. Voilà, il n'y a pas d'école, on décide de construire une école. Bon, bah du coup, qui a les compétences pour construire cette école, où est-ce qu'on a les ressources. Il y a ça, ben du coup on n'aura pas assez de ça, il va falloir qu'on aille voir, je sais pas, dans la localité d'à côté pour savoir s'ils ont ça. Eh ben on va dans la localité d'à côté et eux ils vont nous dire, ok, mais on vous donne ça. Et alors déjà rien qu'à ce moment-là, est-ce qu'on vous le donne? Ben s'ils peuvent le donner et qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà, propriété d'usage. S'ils en ont pas besoin, ils nous le donnent. S'ils en ont besoin, on peut leur demander, bah du coup, est-ce que vous l'avez trouvé? Parce que comme ça, on va essayer de le créer nous-mêmes sur cet endroit-là. Donc en fait, non, il n'y a clairement pas besoin d'argent, quoi. Enfin... Ouais, mais en fait, c'est comme ça que je le voyais, parce que pour moi, en fait, c'est ce que j'arrive pas à le définir, mais je suis persuadé qu'il y aurait un intérêt haute pour tout le monde à faire ce qu'il fait, et du coup, même dans des projets communs, il y aurait les forces nécessaires, en fait. C'est clair que c'est une persuasion un peu... subjectif, mais ouais, pour moi ça change pas, l'échelle ne changera pas le problème en fait. Enfin, je crois pas. Mais certainement que ça serait plus long qu'aujourd'hui, ça peut-être, effectivement. Ouais, c'est très intéressant comme réflexion, mais le problème avec ça pour le moment, enfin, c'est que quand tu parles de ça aux gens, vivre sans argent, ça fait enfin. Ils perdent tous leurs repères en fait. Aujourd'hui, on est tellement ancré sur je survis grâce à l'argent. C'est quand tu dis bah moi j'aimerais une société sans argent, les gens ils lâchent le truc parce qu'ils y croient pas du tout. Donc je pense que c'est un très long processus pour faire comprendre aux gens comment on peut réussir à fonctionner sans argent et par rapport à l'échange et au partage. Enfin non, le fait de soit on fait des échanges, soit on fait du partage. Je pense que pour que les gens sachent faire ça correctement, il faut qu'ils arrivent très bien à définir leurs besoins en fait. Savoir dans une communauté, si c'est fait à base de communauté, de ville ou quoi que ce soit, de quoi on a besoin pour être bien. Et comment on fait pour l'obtenir? Si déjà tout le monde se pose cette question-là, ça, je pense que ça peut avancer. Tu fais des réunions de gens et bah voilà, qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre cette année? Et on met des choses en place. On crée des, on peut par le comme on fait ici, hein, le fait de débattre tous ensemble pour savoir ce dont on a besoin. Voilà. Je pense que c'est vraiment important. Ok, d'accord, Larsen. Je vais rejoindre un peu ton propos. J'ai surtout soulevé qu'il est difficile d'imaginer un monde sans argent, forcément, dans la mesure où tout tourne autour de l'argent dans notre société. Mais en tout cas, aujourd'hui, de plus en plus, les citoyens se posent le problème de qu'est-ce qui est personnel, qu'est-ce qui est au particulier, puis qu'est-ce qui appartient à tout le monde. Quand on fait les comptes, il ne reste plus grand-chose à garder pour soi-même. Voilà, c'est un monde qui reste à inventer et ben, faisons-le, hein. Essayons de le faire en tout cas. Ouais. Moi j'aime bien la distinction entre partage et échange, mais le partage et le don, c'est quelque chose qui marche dans une famille, qui marche quand on est 25, quand on est 2000, c'est foutu, on est des êtres humains, on est des chiens. Regarde le monde, grand. Regarde comment il marche, le monde. Il marche avec des êtres humains. Et dès que tu sors de ta famille, dès que tu n'es plus 25, dès que tu es 2000, il n'y a plus de possible, il n'y a plus de partage. Il faut passer par de l'échange. Quand tu vas voir la communauté voisine, elle ne va pas te faire de don. Dans ta communauté à toi, tu peux faire du partage, tu peux faire du don, tu peux avoir le cœur sur la main. Mais quand tu parles à 2000 personnes qui sont en face des 2000 tiens, c'est fini. Et quand on parle de 200 000 personnes, de 200 millions de personnes, de 7 milliards de personnes, tu peux plus avoir de dons. Il faut avoir un mécanisme d'échange et on commence à parler d'argent et c'est là que tout fout le camp, quoi. Je pense que c'est intéressant ce que vous dites, mais pour moi ça rejoint l'idée d'avoir peur. De s'imaginer que l'autre en face de nous va vouloir profiter de nous. On ne cesse de s'imaginer ça dans notre tête. Ouais, lui en face, il va vouloir faire ci, il va vouloir faire ça, il va vouloir faire ci. Mais ce qu'on est en train d'imaginer, la seule personne qui a créé la chose qu'on est en train d'imaginer, c'est nous-mêmes. Elle n'existe pas, cette chose-là. Réellement, elle n'existe que dans notre tête, en fait. Et après, à force de l'imaginer, moi, j'ai l'impression qu'à force de l'imaginer, elle se réalise. Mais si on arrive à pousser... Moi, je pense que ça passe par l'éducation, à pousser les enfants à se dire « Va lui demander à l'autre ce qu'il a envie, en fait. Va lui demander, l'autre en face, au lieu d'imaginer ce qu'il est en train de magouiller dans son coin, va lui demander ce qu'il veut, va lui demander ce qu'il veut faire, ce qu'il a envie de faire. Et puis, tu verras bien. » Voilà. C'est très intéressant, en fait, ce que vous avez dit, parce que ça me fait penser que, du coup... ça me fait penser au pouvoir de l'argent, du coup. Parce que, en fait... Ces gens, vous dites, oui, vous allez demander à une autre communauté, ils ne voudront pas vous aider, ils ne voudront pas vous donner. Peut-être qu'ils ne peuvent pas. Et du coup, parce qu'on a l'argent, on va s'offrir, en fait, on va pouvoir se permettre de leur demander de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas d'argent. Ça m'interpelle, en fait, parce que je me dis, mais du coup, voilà, enfin, grâce à l'argent, c'est l'argent qui va leur faire changer d'avis. Donc et donc là, on entre vraiment dans une logique d'accumulation, etc. Donc parce que l'argent va leur faire changer d'avis, parce que comme ça, ils auront de l'argent pour demander eux-mêmes quelque chose à quelqu'un d'autre, etc., etc. Du coup, pour moi, on rentre déjà dans voilà, on change la façon dont on aurait agi sans. Voilà, c'est tout juste ça. Mais je suis très ouvert et je suis d'accord que c'est très utopique. Hein, mais voilà. Oui, mais c'est le propos aussi de l'atelier, c'est d'être le plus utopique possible pour penser la société qu'on veut. Quelqu'un veut intervenir sur cette question de l'argent ? L'argent, besoin, pas besoin d'argent dans la société qu'on voudrait ? Et concernant le salaire, les salariats, est-ce que vous pensez que... qu'on aurait besoin, qu'on pourrait se passer du salaire, du système du salaire, du salariat, Adèle. Bah c'est vrai que vu tout ce sur quoi on vient d'avancer, je crois que la question du salariat, fou. Enfin, on peut la poser pour les gens qui n'étaient pas forcément là depuis le début de l'atelier, par exemple, et re-rentrer dedans. Mais en effet, société sans argent, bien évidemment, le salariat n'existe pas. Mais ce qu'on avait un petit peu défini par rapport à ça... Enfin défini. Ce vers quoi on avait avancé, c'était que plutôt qu'un rapport voilà justement de quelqu'un qui embauche des personnes pour faire une telle tâche, donc qui est la prévision de projets en commun qui soit voté à plusieurs, voilà, de quoi on a besoin, voilà. Et aussi, on avait donc distingué deux choses, des projets sur les besoins à développer de façon locale ou de façon plus globale, et puis quelqu'un qui aurait une idée, qui aurait envie de faire quelque chose de nouveau, voilà. Là, on pense à la culture, on pense à l'art, et qui dirait, est-ce que des personnes veulent se lancer avec moi là-dedans? Donc voilà, il y avait ces deux choses-là qui étaient possibles dans les projets communs. Et dans ces deux cas-là, en fait, pas besoin de salariés et de maîtres d'œuvre, parce qu'on avait dit, à partir du moment où quelqu'un lance une idée ou un projet, déjà, elle ne lui appartient plus. Donc s'il la lance, c'est pas parce qu'il veut que ce soit ça exactement, c'est que du coup il lance cette idée-là, hop, elle va circuler, l'autre va ajouter quelque chose là-dessus, un autre quelque chose là-dessus, et donc ils vont faire en fait une œuvre ensemble. Enfin, tous ces projets-là vont être une œuvre faite à plusieurs, et tout le monde sera là-dessus à un statut horizontal, et donc en fait là pas besoin de patron, et ça peut toucher toutes les activités, j'allais dire industrielles, j'aime pas trop le mot, mais de production en tout cas. Moi, je voulais revenir sur l'argent, qu'est-ce que c'est. Et il me semble que quelque part, en soi, ça rentre en contradiction avec les trois fondamentaux de l'être humain. Par exemple, avoir besoin d'argent pour se soigner ou pour s'éduquer, pour moi, c'est absolument... c'est pas admissible, quoi. Et donc, l'argent pose problème. Pas que dans ce secteur, d'ailleurs. Il y a la santé, l'éducation, il y en a bien d'autres, l'énergie. Où je pense que l'argent, à défaut d'être complètement aboli, de grands secteurs d'activité ne devraient pas être soumis à ces contraintes financières, me semble-t-il. C'est tellement nuisible. Quelqu'un veut réagir ? Non, bon, moi je peux apporter quelque chose sur la question de l'argent. Alors, c'est peut-être pour ouvrir sur un autre sujet qu'il faudra développer dans une autre séance de l'atelier. c'est que si au niveau local on peut vivre sans argent et autres, se pose quand même la question de à une plus grande échelle, à l'échelle globale, comment est-ce que est-ce qu'on peut faire sans les échanges, sans le don? On a quand même des ressources qui ne sont pas réparties de manière égale sur le globe, et se pose alors beaucoup de questions internationales que le marché gère actuellement, qu'il gouverne avec le fonctionnement du capitalisme. Mais comment est-ce qu'on ferait en fait sans argent? Comment est-ce qu'on organiserait par exemple la production, la fourniture en fait de matières premières? Je pense surtout aux matières premières, parce qu'on parle de construire ceci, construire cela. Bon, on se réunit, chacun met du sien en fonction de ses compétences, d'accord, mais comment est-ce qu'on fait vis-à-vis des matières premières pour se fournir? Alors je sais pas, on a, il y a les questions de la technologie, mais avec l'uranium, toutes les matières premières un peu précieuses, mais voilà, il y en a d'autres. Alors oui, on peut se dire il y a plein de matières premières. Je suis pas spécialiste. Par exemple, le pétrole, on va dire le pétrole, on peut s'en passer. L'uranium, on peut s'en passer. Bon, il y a tellement de matières, mais je pense qu'il y en a d'autres dont on pourrait ne pas se passer, qui pourraient être utiles si on les gère bien. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que se pose pas la question de l'international? Parce qu'on parle beaucoup du global, de l'individu, mais comment est-ce qu'on fait? Je me pose juste la question. Mais j'ai envie de répondre simplement, mais je crois que, j'espère, mais je crois qu'il n'y en a pas de ressources en fait ailleurs qu'on ne peut pas se passer. Je pense que vraiment, on s'est habitué à croire, c'est ça que je disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un des mythes justement des néoclassiques. Je pense qu'on s'est vraiment habitué à croire qu'il y a forcément au bout de la planète un truc qui nous est indispensable. Mais moi, je suis persuadé que non. Enfin, on a toujours survécu n'importe où on était sur la planète avant même de savoir échanger des trucs avec le monde entier. Enfin, on a survécu bien avant ça. Et alors aujourd'hui, d'accord, on n'a pas d'autres besoins. On s'est développé d'autres besoins, mais ces besoins-là, je pense pas que, enfin, ils soient indispensables au point d'aller devoir chercher des ressources de l'autre côté du globe, quoi. Et enfin, après, je suis certainement radical, hein, mais et peut-être qu'on pourra me citer quelques ressources qui le sont, mais honnêtement, je suis persuadé que c'est beaucoup de choses qui sont venues avec le temps et que maintenant, pour nous, ça nous semble indispensable. Mais enfin voilà, du moment qu'on peut se vêtir et manger, je vois pas le reste en fait. Je vois pas où ça va être indispensable. Comme tu disais, voilà, le pétrole, l'uranium, on peut largement débattre. C'est pas indispensable. Et enfin pour moi, du coup, mais après voilà. En fait, je pensais surtout à une ressource que je connais bien, c'est le cacao. Bon bah voilà, le cacao. Ouais, on peut s'en passer. Ouais, je sais pas si la vie sans chocolat ce serait possible, je sais pas. Je sais pas si la société que je veux, il y aura pas de chocolat, ça je sais pas. Ouais, ça je sais pas si on est prêt à la vie sans chocolat. Mais par exemple le cuivre, il y a pas de cuivre en France, faut aller le chercher au Brésil. Le cuivre, si t'as pas de cuivre, t'as pas d'électricité, t'as pas d'ordinateur, t'as pas de téléphone, t'as pas de micro, t'as pas de haut-parleur. En fait, on peut vivre comme des chasseurs-cueilleurs, c'est vrai que c'est possible, on l'a fait pendant 10 000 ans. On peut y revenir, on peut aller chasser des chèvres avec des lances, c'est possible. Mais je pense qu'on rêve là. Il faudrait qu'on ait une bonne vraie troisième guerre mondiale pour nous y forcer et qu'on n'y viendra jamais de nous-mêmes. Non mais tout à fait, j'étais en train de me dire, là on est en train de partir dans le mode chasseur-cueilleur et c'est pas forcément la société idéale qu'on veut, parce que bon, il y a quand même voilà l'électricité, le gaz, ce qui nous permet de nous chauffer, d'avoir de la lumière. Enfin je veux dire, faut trouver les moyens que ce soit donc circulaire, du coup je vais reprendre le mot, et qu'on puisse nous-mêmes peut-être participer à la production de ça et que ça dépende pas donc d'instances supérieures desquelles on dépende. Mais en effet, il y a tout, et je cite ces deux choses-là, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc ces matières-là premières qui permettent que ce soit effectif, on les trouve pas partout. Donc ça impose de ne pas penser en termes seulement chasseur-cueilleur, ça c'est sûr. Et le cacao, ça en fait partie, puis même plein d'autres denrées. Et puis ça fait aussi partie des expériences, enfin voilà, de goûter d'autres choses qui existent ailleurs. L'idée, c'est pas de se retrouver tout seul dans un, enfin, à 6 ou 7 dans un coin. Et non, on pensait justement beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Donc, bien évidemment, mais je pense que même tout ceci pris en compte, ça peut fonctionner sans argent. Et c'est là où il y a vraiment un système à repenser, du coup. Et c'est là où on se rend compte de la difficulté de cette pensée-là, qui est ne pas tout enlever, donc garder ce qui existe, savoir en effet, parce qu'il y a aussi des choses qui existent dont vraiment on peut se passer, il y a des choses qui sont, il me semble, vraiment importantes à conserver, et donc déjà définir ce qui est important à conserver, et de quelle façon ensuite ces choses-là peuvent être gérées par tout le monde, en fait, et non pas par des experts ou des groupes isolés. Et je pensais aussi là-dedans à tout ce qui est la science, développement de la science, etc. Et je me disais qu'il faut garder quand même au niveau mondial un système d'information pour savoir ce qui se passe ailleurs, ce qui a été créé, ce qui est, voilà, pour pas vivre en autarcie, quoi. L'idée, c'est pas de vivre en autarcie coupé des autres, bien au contraire, c'est d'être plus en relation encore que maintenant. Donc se pose aussi la question, bah, du coup, développement des réseaux. Est-ce qu'on garde les réseaux? Est-ce qu'on garde le téléphone? Est-ce que c'est aussi des choses qui nous permettent vraiment d'avancer d'un certain point de vue. D'ailleurs, je sais pas si Nuit Debout aurait pu exister sans les réseaux. Enfin bon, bon, là c'est un exemple archi-société actuelle, donc je passe. Mais voilà, toutes ces choses-là, il y a quand même des trucs hyper intéressants à en tirer et qui peuvent permettre que cette société-là se mette en place. Je pense, voilà, Internet, peut-être que cette société-là, on pourra pas la mettre en place sans Internet. Et quand on disait tout à l'heure, oui, mais il y en a d'autres, du coup, qui vont conserver l'argent et se battre contre nous parce qu'ils seront plus forts. C'est là où la diffusion, on a maintenant des moyens de diffusion qui sont extrêmement importants à conserver, il me semble. Donc, voilà, juste la question, c'est qu'est-ce qu'on conserve et comment le gérer, du coup, en commun, et que ce soit plus des privés qui en aient le monopole, quoi. Et ouais, pour continuer dans ce raisonnement, il faut faire circuler les savoirs pour justement que dans chaque coin du monde, on puisse apprendre à s'adapter à notre milieu. Et puis si on n'y arrive pas, on change de milieu. Il faut vraiment essayer de voir l'être humain comme une entité qui s'adapte, qui sait s'adapter. Partout, si elle en a envie, elle peut s'adapter partout. Et si aujourd'hui ça bloque autant que ça, je pense que c'est il y a une raison. De toute façon, ça finira forcément par se débloquer à un moment, mais sûrement au dernier moment. Mais là, il y a des gens qui ont déjà envie de bouger parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas correctement. Et il faut qu'on fasse circuler toutes ces informations. Pour que les gens s'adaptent, apprennent à s'adapter et se disent que l'être humain sait le faire et il faut qu'ils prennent confiance en eux. Voilà. Bah, en fait, l'adaptation, c'est pour répondre à ton idée d'adaptation, faut que l'être humain s'adapte. L'adaptation, c'est des conditionnements. Hein. C'est juste des conditionnements. Hein. Là, on est conditionné, on peut changer les conditionnements. Hein. C'est juste, comme dit Aristote, il parlait de l'habitude, il disait que l'habitude c'est une seconde nature. Voilà, c'est ça, quoi, hein, c'est des conditionnements. Moi, je vois là, ça fait 3 jours que j'ai pas internet, bah, je suis malheureux, mais bon, voilà, après, je vais finir par après m'y habituer, hein. Mais c'est vrai que c'est dur, là, j'ai pas internet, moi, je vivais avec internet, je me suis conditionné avec internet, c'est impressionnant, hein. Dès le matin, j'allume mon PC, et dès que j'ai quelque chose dans la tête, tac, je vais voir sur internet. Dès que j'entends quelque chose, je vais voir sur internet. Je regarde les films sur internet, je lis sur internet, je chatte tout le temps, toute la journée sur internet. Et en fait, c'est vraiment, je vois toute ma vie aller sur internet, quoi. Toutes mes journées, je passe toutes mes journées sur internet. Et là, je vois depuis 3 jours, bah, j'ai plus internet, faut que je me déconditionne, quoi. C'est assez bizarre, hein. C'est dur, hein. Et des fois, j'ai tendance, hop, je vais allumer mon ordi, bah, je dis, mais non, t'as pas internet, c'est pas la peine. Et plein de fois, hein, dans la journée, hein, où je cherche quelque chose, tac, je vais pour aller sur Internet. C'est fou, hein, comment tout d'un coup Internet est devenu indispensable dans ma vie, alors qu'avant ça ne l'était pas du tout, puisque je suis resté pratiquement plus de les 95% de ma vie sans Internet. Donc, mais ce que là je vois, c'est assez impressionnant, quoi. C'est du conditionnement, quoi. Dès que j'ai besoin de quelque chose, tac, là je veux acheter un vélo, hop, Internet, je veux acheter quelque chose, je veux regarder quelque chose, Internet tout le temps, hein. Je veux chatter toute la journée, hop, tac, je peux plus chatter, je peux plus discuter avec les amis, je peux plus regarder. voilà, lire, etc. Même tous mes livres, maintenant, je n'ai plus à la bibliothèque, je vais sur Internet, je prends des PDF. Je vais pareil, tout ce qui est cinéma, la télé, tout ça, machin. Souvent, je vais sur Internet aussi pour. Voilà, c'est des conditionnements en fait. Hein. Faut se conditionner. Je pense que ça, c'est, ça se fait tout seul. Hein. L'adaptation, ça se fait tout seul. Hein. On se reconditionne. Hein. Oui, vite fait, parce que du coup, vous avez bien fait de préciser qu'il y a par exemple le cuivre. Et, mais c'est marrant parce que du coup, Antoine, t'as tout de suite pensé au cacao. Et du coup, tu me ramènes à mon truc. Mais c'est vrai que j'ai été radical, c'était un peu volontaire. Mais du coup, pour moi, je fais encore une différence entre effectivement ce qui est l'électricité et du chocolat, quoi. Et après, là, c'est clairement dans la société aujourd'hui parce qu'en ce moment-là, ces échanges-là, ils n'ont pas des conséquences neutres, en fait, sur l'environnement et même sur les hommes. Et du coup, on le considère encore comme un besoin, alors que pourtant on sait que ça a un impact lourd. Donc, et c'est là où j'essaye, où je me dis que je devrais plus le considérer comme un besoin à partir du moment où ça impacte quelqu'un lourdement. En fait, je me dis ça. Mais après, je me pose la question si on ne devrait pas penser comme ça. Et après, effectivement, par contre, si on arrive à avoir des échanges, juste. Donc ça voilà. Si on arrive vraiment à que les deux communautés s'y retrouvent, oui. Mais en fait, comme c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, c'est peut-être pour ça que je pense comme ça aussi. J'ai perdu le dernier point. Je sais plus. Quelqu'un veut intervenir? Alors, je vais juste te dire en fait mon propos. En fait, c'était de dire que. Quand on parle de la gestion des richesses, des biens communs et toutes ces choses-là, il faut penser global, il faut penser international. Et il y a l'exemple j'ai donné l'exemple du cacao, parce que le cacao, par exemple, il fait vivre plein de petites fermes familiales dans un pays, par exemple, comme le Ghana ou dans d'autres pays. Mais je connais cet exemple-là. Bon, voilà, c'est un peu une sorte de bénédiction. Ça pousse bien là-bas et ils se sont appropriés ça. Il y a des systèmes de coopératives, ça fonctionne. Bon, alors après, il y a l'uranium au Niger, où là, c'est autre chose. Là, c'est terrible. Mais par exemple, si on prend l'exemple du champagne. Bon, le champagne, c'est quoi ? C'est un vin qui... ne pousse, enfin c'est un vin qu'on ne tire que de quelques collines dans une région française, et il se trouve que c'est très populaire, les gens aiment beaucoup ça dans le monde entier. Comment est-ce qu'on fait pour gérer le bon, disons que c'est une richesse, comment est-ce qu'on la partage entre les personnes? Enfin, je pose la question en fait. Et là, on a le marché qui répond de manière parfaite à ce genre de questions. Voilà. Non, en fait, c'était juste pour faire un point, pour dire que voilà, il faut aussi penser sur ces questions de richesse, de biens communs. On pense beaucoup local, on pose beaucoup individu, on peut penser Nuit Debout, Paris, village et autres. Mais non, je pense qu'il faut vraiment, et c'est très difficile, il faut penser global. Voilà, il faut penser vraiment au niveau international. Et ce sont des questions extrêmement complexes, parce qu'on a un système qui s'est développé, qui s'est mondialisé. Mais la mondialisation, c'est un processus qui est très lié au capitalisme et autres. Mais même, on avait les questions de marché étaient déjà là avant même la découverte de l'Amérique et autres. Donc voilà, je pense qu'il faudra à un moment donné dans l'atelier, on parlera des questions internationales, et je pense que là il faudra revenir aussi sur ces questions des richesses et la question des matières premières. Et les matières premières, des savoir-faire, que ce soit l'uranium nigérien ou que ce soit le raisin de Champagne. Quelqu'un veut intervenir ? Oui. Oui, je suis pas vraiment d'accord sur le champagne. Honnêtement, le champagne, c'est un produit de luxe. Aujourd'hui, ça génère des milliards d'euros pour Bernard Arnault et un certain nombre de grandes maisons. Et ça développe pas vraiment la Champagne, ou en tout cas pas les Champenois. Le cacao, c'est encore pire. Parce que moi, pour vivre dans les pays où on fabrique du cacao, je te jure que les petites fermes miraculeuses, les enfants, ils vont pas à l'école, il n'y a pas de casse de santé, c'est une vraie misère. Les mecs vivent dans la jungle pour produire du cacao qui est servi ici et dont ils voient pas la couleur. Enfin, les gens vivent dans une misère noire. Et on est d'accord que le chocolat, c'est un truc merveilleux, mais quand on voit les conséquences que ça a, c'est vraiment monstrueux. Mais à la limite, c'est un produit de luxe et on pourrait très bien s'en passer. Après, il y a des choses dont on ne peut pas se passer. Le fer, le cuivre, c'est des choses dont on a besoin si on ne veut pas régresser à l'âge de pierre. Et le fer, le cuivre, ben, quand on va voir comment le cuivre est produit aujourd'hui au Brésil, ben, c'est encore pire que le cacao. Il y a des esclaves aujourd'hui qui produisent le cuivre qui sert à fabriquer nos réseaux. Donc la question n'est pas tellement de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, parce qu'on ne veut pas abandonner le cuivre. La question est de savoir comment on va arriver à avoir du cuivre équitable, ça existera un jour. Et ce cuivre équitable, ça veut dire un changement fondamental et dans les structures de production au Brésil et dans les échanges internationaux. Comment est-ce qu'une communauté française qui a renoncé à l'argent peut obtenir d'une communauté brésilienne qui a elle-même renoncé à l'argent et qui, elle, a des mines de cuivre mais qui ne veut pas produire de façon industrielle, comment ce cuivre peut arriver en France et comment est-ce qu'on va en fabriquer des réseaux téléphoniques? Je crois que la question n'est pas tellement de savoir où est-ce qu'on veut aller, mais de comment on va y aller. Le gap est tellement gigantesque entre ce qu'il faudrait qu'on ait et la façon dont le monde est construit aujourd'hui. Il faudrait que le monde s'écroule et qu'on le reconstruise. Exactement, je voulais rebondir aussi sur la même chose à propos du chocolat, quoi. Par exemple, le chocolat, le gros du chocolat qui est produit et qui est cultivé, il est fait dans le cadre de la monoculture, hein. Il n'est pas fait dans les petites fermes sympas, machin, bidule, je sais pas quoi. Là. Il est fait dans la monoculture. Par exemple, on a un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire qui produit je ne sais combien de tonnes de chocolat. Mais c'est de la monoculture, c'est-à-dire que vraiment on bousille la terre et les gens ils ont pas de culture vivrière pour vivre, ils sont obligés de tout importer. Ceux qui récupèrent l'argent, qui font beaucoup d'argent là-dessus, c'est les Suisses par exemple, quoi, qui récupèrent le chocolat, voilà quoi. Bon, c'est une horreur, hein, le chocolat c'est une horreur. Le café c'est pareil. Un autre exemple, le café, on a un pays qui s'appelle le Brésil qui est le premier producteur de café. Allez au Brésil, vous allez commander un café, vous verrez, vous ne pourrez pas boire du café, hein, vous allez boire du Nescafé. Et c'est pareil, hein, c'est de la monoculture. Enfin, le Brésil, c'est le colza, c'est la destruction d'Amazonie pour l'huile de colza, etc. En fait, la question, c'est plutôt comment on produit, et voilà, c'est ça, c'est plus tout ce qu'on consomme, comment c'est produit, quoi. C'est ça la question qui est importante. On a un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, dans laquelle on a plus de 6 millions de morts pour un truc qu'on appelle le coltan. Parce que c'est une terre rare, hein, le coltan. Le coltan, c'est ce qu'il y a dans tous vos téléphones portables. Tous les gens, vous savez, je sais pas si vous voyez le business qu'est le téléphone portable. C'est énorme. Tout le monde en change. Il y a des gens, ils en ont 3. Il y en a des gens, les enfants, ils en ont. Tout le monde en a. C'est un business énorme. Et sans le coltan... Sans le coltan, bah, il n'y a pas de téléphone portable. Et le gros du coltan, il est produit en République démocratique du Congo. Et voilà. On a des enfants soldats, on a des femmes qui sont violées, on a des conditions pareilles de. Bon, ça c'est pour la guerre qui se trouve là-bas. Mais on a aussi la façon dont le coltan est récupéré dans une espèce de mine avec des hommes qui font des trous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, hein, dans des documentaires. C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur, voilà. La question, c'est pas le chocolat ou voilà, c'est bon ou pas bon, machin, ou le téléphone portable, c'est sympa ou pas sympa. La question, c'est comment on produit tout ça, quoi. Voilà. Je pense que dans quelles conditions inhumaines. Mais la monoculture, c'est pareil, hein. Ça bousille les terres. Hein. Je sais pas si vous avez vu le film demain. Là, ils en parlent un peu. C'est assez intéressant. Enfin bon, moi, je connais ça depuis un petit moment, la monoculture, parce que je m'étais intéressé à la question à une époque, là, justement. Mais ouais, c'est parce qu'on produit tout le temps, la terre a produit tout le temps la même chose, et la terre on la bousille. Bon, sans parler des OGM et des pesticides, etc. Mais la monoculture, c'est une horreur. Et ce qui est grave, c'est qu'en fait, c'est le résultat de la colonisation, hein, au départ. Ils ont créé de la monoculture, c'est-à-dire on a du chocolat partout, et les gens ils peuvent même pas cultiver ce qu'on appelle la culture vivrière, des choses pour manger eux-mêmes, quoi. Donc ils sont obligés de tout importer, quoi. Donc on peut crever de faim parce que chocolat, au bout d'un moment, voilà, quoi. On a des gens qui crèvent de faim, qui sont pauvres, etc. On a une espèce de des terrains qui sont bousillés, enfin voilà, pour le chocolat. Ouais, juste une petite précision, Khaled. Tu disais le chocolat en Côte d'Ivoire, le chocolat. Bon, en fait, c'est pas du chocolat qui est produit en Côte d'Ivoire, au Ghana et dans tous ces pays-là. C'est du cacao et les fèves de cacao sont séchées sur place, mais après, on les met dans des sacs, elles partent sur les bateaux et la transformation se fait en Europe ça devient du chocolat en Europe. Et ensuite, on les ramène là-bas et on les vend à prix d'or. Voilà le. Oui, voilà, non, mais c'était juste une précision. C'était juste une précision. Voilà, c'est le produit fini. On le fait. Non, c'est très court. En fait, c'est juste que pour la question pour les échanges qu'on se pose. C'est parce qu'on dit souvent quand même qu'on a pillé ces pays. On a pillé. Là, je parle vraiment en tant que d'Occident, où justement on a été chercher les richesses dans des pays d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud ou enfin partout, quoi. Tous les pays qu'on a pillés dans le monde. Et en fait, du coup, la question, c'est là, ça me fait rire. En fait, on essaie de trouver comment on va demander des ressources à des pays. On les veut toujours, mais on ne veut plus les voler. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de dire, en fait. Donc, ça me fait rire, en fait. Voilà. Du coup, ce n'est pas évident comme question, effectivement. Déjà, je vais juste dire pour toutes les personnes qui sont là, n'hésitez pas à intervenir, hein, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas pris la parole. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas parce qu'on a déjà parlé qu'on a le droit d'avoir le micro, hein, bien au contraire. Oui, je trouve ça très intéressant en fait comment la question est posée parce que en effet tout ce qui est champagne, chocolat, enfin bon, cacao, etc. On peut se dire bah à la limite ça restera là où ça peut être produit et si les gens ont envie d'aller en manger, et bah ils peuvent aller habiter là-bas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou alors ils peuvent en ramener à un endroit, à un autre. Mais à la limite ça c'est pas la question fondamentale. Mais par contre sur la question des ressources rares, en effet pour éviter qu'il y ait des rapports de force entre territoires qui disposeraient eux d'une ressource dont les autres ont aussi besoin, si on dit donc dans un monde sans argent, à ce moment-là, oui, ce que j'avais pensé déjà, c'est de pour limiter les besoins, peut-être pour ce qui est comme le téléphone, internet, mais aussi peut-être les lieux où il y a du gaz, etc., qui est en fait des lieux communs. Dans lesquels on peut penser, tout le monde n'a pas besoin d'avoir un téléphone portable, par exemple. Si c'est pour faire de l'information et d'autres choses et que par contre les gens se rencontrent, bah, peut-être qu'un téléphone portable pour 100 personnes, ce sera largement suffisant. Par exemple, une connexion internet pour 100 personnes, ce sera largement suffisant. Avec un lieu pour regarder peut-être les films ou les choses qui circulent. Bon, ça déjà, c'est quelque chose qui limiterait énormément les besoins par rapport aux ressources rares. Et ensuite, par rapport aux territoires eux-mêmes, là où il y a la question de l'échange, en effet, qui est différent du partage, c'est que dans chaque territoire, c'est pas tout à fait vrai ce que je veux dire. J'allais dire, dans chaque territoire, en fait, il y a des ressources qu'il n'y a pas ailleurs. Mais peut-être que déjà, il y a plein de territoires dans lesquels les ressources qu'ils ont, comme elles ne sont pas capitalistement appréciées, du coup elles sont pas utilisées, elles sont pas développées. Alors qu'il y a certaines, voilà, il y a certainement dans, enfin je pense au Gabon moi notamment, où ils ont une terre extrêmement riche dans laquelle ils font finalement assez peu d'agriculture et où ils exportent énormément de choses, et alors qu'en fait ils pourraient tout à fait n'avoir quasiment rien à importer, pardon, où ils importent beaucoup de choses et ils pourraient presque n'avoir quasiment rien à importer. Bon, mais c'est un exemple parmi d'autres et qui est pas du tout généralisable en plus. Mais je pense que c'est peut-être la question la plus difficile qu'on pose depuis tout à l'heure, qui est, du coup, comment penser ces échanges parce qu'il y a des territoires qui sont inégaux, ou alors ça veut dire que les êtres humains vivront dans certains territoires et en délaisseront d'autres. Donc, question de l'importance de la population, enfin, ça pose beaucoup d'enjeux, oui, en effet. Oui, c'est pour ça que je proposais, je disais qu'on allait discuter de toute façon ces questions de relations internationales et de géographie et autres dans un atelier, parce que voilà, il faut de toute manière penser global, c'est important autant que local. Voilà. Est-ce que quelqu'un va intervenir? Quelqu'un qui n'est pas intervenu, qui voudrait nous dire quelque chose sur la société qu'on veut, quoi, une société post-capitaliste, et notamment concernant la gestion des richesses, des biens communs, la question de l'argent, je sais pas, ouais. Je rebondis du coup sur ce que tu étais en train de dire, parce que je trouve que ça, c'est des questions qui deviennent très intéressantes au final on approfondit à chaque atelier. Et en fait c'est comme voilà, ils ont du champagne en Champagne et en fait on les envie. On nous dans une société, on est dans une société où on envie les gens en se disant oh là là, ils ont trop de chance, eux, ils ont ça et nous on peut pas l'avoir. Bah si, j'ai quand même envie de l'avoir et du coup je vais créer un marché là-dessus et je vais quand même réussir à l'obtenir, à l'exporter, à l'importer et tout ça, tout ça. Et donc c'est pour ça que moi je pense que c'est important de se demander de quoi on a réellement besoin, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut créer, parce que en fait aujourd'hui on ne se pose plus ces questions là quelqu'un nous montre quelque chose qui dans une vidéo nous donne envie, hop, ça y est, tout de suite on le veut, mais en fait on sait pas pourquoi on en a besoin, on croit qu'on en a besoin mais on sait pas pourquoi. Voilà. Quelqu'un veut réagir? On a tout dit ou on continue sur la gestion des richesses? Moi en fait ce que j'ai un peu suivi ce qui s'est dit là pendant ces trois séances et voilà, c'était juste la question que je voulais aborder, c'était voilà, c'est la question des richesses. Est-ce que les richesses c'est seulement les questions d'économie et autres? Non, je pense que les richesses et les biens communs, bah, c'est aussi tout ce qui est écologie. Ce qui est les forêts, toutes les forêts, ce qui est la mer aussi. Donc, on a parlé d'écologie, on a fait des séances sur l'écologie, pas encore. Hein. Donc, je pense que voilà, ça fait. On reviendra aussi là-dessus, en fait, via les discussions sur l'écologie et sur pas mal de choses d'autres. Alors, je sais pas, je peux faire encore tourner la parole encore une fois, donner des contours de parole, ou alors on clôt. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir là-dessus? Bon, j'en profite pour dire que voilà, il fait nuit, il fait froid, donc l'atelier, on va le bouger, c'est ça. Hein, donc voilà, donc l'annonce que je vous fais avant que vous partiez, avant qu'on clôt, on va transférer l'horaire de notre atelier, donc sur la société qu'on veut, on va la mettre le dimanche. Le dimanche à quelle heure on avait dit de 15 à 17, voilà. D'habitude là ça fait 11 séances qu'on est présent tous les vendredis pour discuter au sein de cet atelier de la société qu'on veut. Bon, du fait de l'hiver qui approche, on va plutôt se déplacer donc le dimanche de 15h à 17h pour qu'on ait plus de gens qui viennent et puis pour que voilà qu'on ait un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de lumière. Sinon, vous avez pu voir que Adèle prend des notes parce qu'on produit des comptes rendus de chacune des séances que vous pouvez retrouver donc sur notre site edupopdebout.org. On publie aussi ça sur le site de Nuit Debout Paris et sur la Gazette Debout. Donc voilà, vous pouvez réécouter toutes les interventions qui sont enregistrées. Donc on a 11 séances jusqu'à présent sur les questions de... on a un recueil de propositions. On a la question des enfants, de l'éducation. On a la question de... quoi d'autre? De la question des droits. Et je crois que c'est ça. On a les enfants, l'éducation, les droits et la gestion des biens communs et des richesses. Alors je ne sais pas de quoi on parlera la semaine prochaine, le dimanche. Mais ce sera annoncé sur notre site. Voilà. Ensuite, je clôt. Hein. Ouais. Je vous remercie pour votre participation. On revient sur la place avec Debout Éducation Populaire demain à partir de 15h. On vous propose un atelier marionnettes. On va construire des marionnettes géantes pour pouvoir animer un petit peu les prochaines manifs à venir ou toutes les célébrations qu'on pourra avoir. Ensuite on aura donc on a ça, il y aura la boîte à questions et dimanche on a la commission écologie debout qui viendra nous faire un historique de l'écologie et des luttes liées à l'écologie. Et je vous remercie tous d'être venus et votre participation, votre attention. Merci beaucoup.